profondeur des rainures d'un pneu doit être d'au moins 1 mm, réponse A, 1,6 mm, réponse B, 2 mm, réponse C, 2,6 mm, réponse D.